Bonjour à tous, bienvenue dans À la barre, le podcast de Parlions Droit. Moi c'est Chloé. Moi c'est Katia. Et aujourd'hui, on retrouve Lilou et Tom qui vont nous parler de la sélection en fac de droit. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement et vos études et puis votre parcours au lycée ? Alors moi c'est Tom, donc je suis en première année de licence de droit à la fac de droit de Lyon 3. L'année dernière j'étais dans un lycée donc général, j'ai fait un bac général avec comme spécialité SES, AGGSP et en première j'avais aussi la spécialité anglais monde contemporain. Alors moi c'est Lilou Garcia, je suis en L1 pareil en fac de droit à Lyon 3. J'étais chez les Maristes à Mézieux l'année dernière pendant tout mon cursus du lycée. J'avais comme spécialité AGGSP et HLP. Super, merci beaucoup. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire du droit ? Est-ce que c'était une vocation ? Est-ce que vous avez choisi cette filière un petit peu à la dernière minute ? Comment ça s'est passé pour vous ? Pour moi, je ne sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas, j'ai toujours voulu en faire du droit. Et en fait, j'ai pris l'option des GEMC en terminale et ça m'a vraiment confortée dans mon choix. Et surtout parce que je veux faire l'ENM, donc c'est l'École nationale de la magistrature. C'est très difficile, on verra si j'y arriverai, mais c'est mon objectif. Donc voilà pourquoi je fais du droit actuellement. Attends, j'essaie de savoir comment je vais rebondir, parce que moi aussi je vais faire magistrat, donc c'est pour ça que c'est drôle. Et du coup, c'est un peu la même idée pour moi. Moi aussi, j'ai choisi le droit par vocation. Enfin, c'est pas du tout un choix de secours ou quoi, parce que je veux devenir aussi magistrat. Donc c'est le projet. Je sais pas si ça aboutira, mais en tout cas, c'est mon projet. Et du coup, Lilou, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu pour ceux qui, parmi nous, qui ne font pas de droit, qu'est-ce que c'est DGEMC ? Alors, c'est une option qu'on prend en terminale. C'est droit et grands enjeux du monde contemporain. On aborde les bases en fait du droit. C'est vraiment de l'introduction générale au droit. Et à côté de ça, on fait aussi des grands enjeux du monde contemporain. En fait, c'est l'actualité. Et c'est super intéressant, c'est surtout de l'oral. Nous, on croit en vous pour vos projets de magistrature. Du coup, vous ne conseillez pas forcément d'aller en droit par dépit. C'est un choix qu'il faut faire en amont. Parce que je sais que quand j'étais encore au lycée, il y avait cette habitude des professeurs de nous dire mettez une licence de droit si vous êtes littéraire, c'est une fac publique. Mais finalement, c'est peut-être pas abordable pour tout le monde. C'est pas un choix à faire par dépit. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? Ouais, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en droit et qui n'ont pas forcément des... Enfin, moi, par exemple, j'ai des potes qui n'ont pas forcément des bases très, très solides, même en géopo ou même en institution en France. Enfin, par exemple, pas savoir ce que c'est le Parlement, c'est compliqué un peu d'arriver... c'est compliqué un peu de s'en sortir en première année. Alors, on a l'introduction au droit pour ça, pour remettre un petit peu tout le monde sur le même niveau, mais c'est vrai que ça aide. Totalement d'accord avec toi, il faut vraiment être motivé en fait, parce que c'est pas simplement une filière qu'il faut prendre par dépit, il faut vraiment être motivé et discipliné, parce que sans méthode de travail, c'est pas possible, enfin, de ce que j'ai pu constater en tout cas, et faut avoir une bonne culture générale, savoir parler français et écrire français, faut pas la prendre par dépit en tout cas. Donc c'est faisable, mais il faut que ce soit un choix qui soit réfléchi un minimum. Comment vous êtes préparé pour Parcoursup ? Vous, est-ce que vous y êtes pris très en avance ou est-ce que vous avez écrit des lettres à la dernière minute en fonction de chaque faculté ? Moi, je m'y suis pris en janvier. J'ai commencé à faire une lettre pour Lyon 3, en fait, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et puis, j'ai modifié très légèrement, en fait, entre les différentes lettres de motivation, en adaptant, en fait, à la filière ou... Au parcours en fait auquel je postulais. J'ai aussi postulé pour prépa D1 et c'était des prépas. Donc en fait, tout tournait autour des mêmes bases. Donc j'ai pas eu besoin de faire une lettre totalement différente pour chaque université. Oui, pour chaque université en fait, ou formation. Alors moi je suis d'accord avec ce que tu dis Lilou, mais du coup il faut, le truc à surtout pas faire, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est de pas faire une lettre de motivation pour toutes les formations, parce que évidemment faut qu'elle soit un minimum personnalisée les lettres, donc évidemment si c'est une fac de médecine et une fac de droit, évidemment la lettre sera pas du tout la même, mais même entre deux facs de droit c'est quand même pas mal d'avoir un petit côté personnalisé, et comme ça on peut voir, les recruteurs des commissions de recrutement des facs peuvent voir justement qu'on a un minimum d'intérêt pour la fac si on parle un peu d'elle, un peu de manière personnalisée quoi. Justement, j'aimerais ajouter que faut mettre en avant en fait l'université dans laquelle on veut aller, dire qu'elle a un bon classement ou qu'elle nous intéresse pour ça, parler de ses atouts, parce que je pense que ça leur plaît en fait. Bon, je ne sais pas s'ils lisent réellement les lettres de motivation en fac, mais je pense que ça peut aider en tout cas. Et c'est important aussi sur Parcoursup d'utiliser tous les espaces qu'on a pour parler de nous. Parce que ça, c'est un peu bizarre aussi quand on arrive sur la plateforme, c'est de voir qu'on a, je crois, 2000 caractères pour faire une lettre de motivation. Oui. Donc c'est hyper court. Du coup, il faut bien utiliser tous les espaces. Donc il y a un espace, je crois, pour le parcours professionnel, en gros, qu'on a eu, si on a fait des stages, des trucs comme ça, nos activités en dehors des cours. Et du coup, il faut bien utiliser tous ces encarts-là pour parler des choses précises pour lesquelles ils sont créés. Et du coup, pas tout engorger dans la lettre de motivation, parce que là, la partie, par exemple, sur les sports qu'on fait, les stages qu'on a pu faire par le passé, tout ça, ce sont des parties qui sont communes, en fait, pour toutes les formations auxquelles on postule. Donc ça permet d'économiser un peu sur la lettre de motivation aussi. Et du coup, pourquoi avoir choisi Lyon 3 ou les autres universités auxquelles vous avez postulé et pas d'autres? Quels ont été vos critères de sélection? Ah, premièrement, parce que c'est proche de chez moi, Lyon 3, mais pas uniquement. Parce que je pense qu'il faut voir plus loin que la licence, pour ma part en tout cas, puisque le droit c'est mon but. J'ai vu aussi pour le master, parce qu'il y a des très bons masters à Lyon 3, et que mon objectif c'est d'aller justement au-delà de la licence. Moi dans mon choix, j'ai aussi regardé les partenariats qu'avaient les différentes facs de droit autour un peu de chez moi, parce que du coup bah, moi j'étais plutôt partagé entre, on va dire, Saint-Étienne, Clermont-Lyon, donc ça, c'est les critères qui ont fait que j'ai choisi Lyon 3, c'est pas uniquement le secteur géographique, mais du coup par exemple le fait que la faculté de Lyon 3, elle ait des partenariats avec le tribunal, avec la cour d'appel, qui fasse souvent des choses ensemble, par exemple la nuit du droit, tout ça, c'est des projets qui sont menés justement en partenariat entre la fac et les institutions qu'il y a sur Lyon. Ça, c'est quelque chose qui a fait partie aussi de mon choix, parce que je voulais avoir une fac, entre guillemets, qui puisse m'apporter des trucs, même pas forcément en voyant très très loin, mais juste pour faire des choses en dehors de ma licence et en complément, on va dire. La question qui fâche, j'espère que oui, mais est-ce que vous étiez content de vos résultats Parcoursup? Et sinon, comment apprendre à un étudiant à rebondir si elle n'a pas eu les facultés qu'il souhaitait? Alors, pour ma part, oui, j'étais très contente. Le premier jour, c'était fini Parcoursup pour moi. J'ai été prise à Lyon 3 et puis je suis sortie de Parcoursup. Mais j'ai vu que pour beaucoup de mes amis, c'était très compliqué, qu'ils n'étaient pas du tout acceptés là où ils souhaitaient. Et pour eux, c'était un peu une fin en soi. Et je leur ai dit, mais non, ça veut rien dire. Peut-être que c'est fait pour toi, la filière dans laquelle tu as été prise, tu verras bien comment ça va se passer. Et oui, en fait, il ne faut pas voir ça comme une déception et une fin en soi, en fait. Ouais, bah, je suis carrément d'accord. Moi, pareil, j'ai un peu la même expérience de Parcoursup. J'ai eu mes choix très, très tôt. Donc, en fait, j'ai été pris dans pas mal de facs, dont celle que je voulais, dans Lyon 3. Donc, la question ne s'est pas posée super longtemps. Mais c'est vrai que pour le droit, en tout cas, il y a... Enfin, de mon expérience en tout cas, et de celle de mes potes qui ont fait du droit, il n'y a pas une sélection incroyablement difficile à passer en licence de droit. Je ne pense pas dire n'importe quoi, mais c'est plus le cas peut-être pour d'autres filières. Et pareil, là, encore une fois, de mon expérience, il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Et c'est un peu compliqué à vivre et tout, mais en tout cas pour le droit, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper... Enfin, les licences de droit ne sont pas... apparemment pas inaccessible non plus. Je me permettrai de rajouter en expérience personnelle d'un ami à moi que vous pouvez tout à fait être pris dans une fac en L1 et le changement se fait beaucoup plus facilement après la L1. Donc si vous êtes pris par exemple à Lyon 2 en L1 et que vous souhaitez passer à Lyon 3 en L2, ça va se faire plus facilement que si vous aviez été refusé sur Parcoursup. Donc c'est pas comme Lilou dit, une fin en soi, si vous avez été refusé sur Parcoursup, vous pouvez quand même avoir l'université dans la suite de vos cursus, donc il faut pas paniquer là-dessus et c'est pas grave quoi. Et du coup, par rapport aux attentes que vous aviez au lycée et en terminale, est-ce que la licence de droit, elle correspond aux attentes que vous aviez? Est-ce que c'est ce que vous vous imaginiez quand vous avez postulé en droit? Alors ouais, pour ma part, ça correspond pas mal à ce que j'attendais, ce que j'imaginais de la licence. Donc c'est pas non plus, on n'est pas non plus en train de faire du pénal tout le temps comme dans les séries américaines qu'on voit. C'est pas non plus ça, parce que surtout qu'en première année, on n'a pas de droit pénal. Mais en fait, on fait des matières qui sont assez générales. Donc par exemple, le droit civil, le droit constitutionnel, c'est des matières qui sont assez globales et du coup qui vont nous permettre de voir comment les matières un peu plus spécialisées, comme par exemple le pénal ou la procédure civile ou n'importe quoi, comment ces matières-là vont s'articuler avec l'ensemble de ce qu'on peut appeler du droit, en fait. Oui, pareil, moi je m'attendais totalement à ça par rapport à l'autonomie, déjà, parce que la fac, c'est complètement différent du lycée, par rapport aux cours. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui se plaignent, en fait, que le droit en L1 est très, très général. Et j'ai envie de leur dire, mais il faut bien passer par là, parce que tu vas pas te spécialiser immédiatement, c'est pas possible, et il faut bien passer par ces bases pour ensuite avancer, en fait. Je me permets de rajouter mon expérience de vieille actuellement en master, mais quand je suis arrivée en L1, en fait, j'étais renseignée sur ce qui était le droit, mais pas forcément sur les matières qu'on avait à Lyon 3. Et j'étais ravie de découvrir qu'on avait plein de matières que j'aurais jamais pensé étudier, en fait. Mais il faut le savoir en amont, je pense qu'on ne voit pas que le droit civil et le droit pénal. Et du coup, le fait que la licence nous fasse voir des matières hyper générales, faut bien garder en tête que c'est pas parce qu'on n'aime pas une partie de ce qu'on voit, donc par exemple, c'est pas parce qu'on n'aime pas le civil ou qu'on n'aime pas le constit, que la licence n'est pas du tout faite pour nous et que, au contraire, on ne pourra pas plus tard se spécialiser dans les matières qui nous font vraiment kiffer. Ok, et du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont actuellement au lycée, qui s'intéressent un petit peu aux universités, qui sont peut-être un peu perdus entre tous les termes qu'on peut trouver, majeur, mineur, cours magistral, TD, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer toutes ces notions et peut-être les éclairer pour que ce soit plus simple de comprendre un peu toutes les informations qu'on peut trouver. Donc à la fac de droit, enfin à la fac en général, on a des CM, des cours magistraux et des TD, des travaux dirigés. C'est complètement différent parce qu'en CM, on est à peu près, ça dépend des facs, mais à peu près 300, 400, ça dépend. Et là, on va juste nous donner le cours, on ne va pas du tout participer, il y a zéro interaction, ou très peu en tout cas, et on va juste simplement prendre le cours. Alors qu'en TD, on sera par groupe de 30, on va échanger, le but c'est justement l'interaction, de s'exercer et de rebondir sur le cours en fait, qu'on a pu voir en CM. Alors pour la différence majeure-mineure, là c'est plus une différence de notation avec une façon de calculer la note finale en fait, qu'on va avoir à la fin de notre licence avec des coefs et tout. Donc la différence entre les deux, c'est qu'on va avoir un bloc de majeurs qui sont les matières qui sont les plus importantes. Donc à Lyon 3, en tout cas pour les majeurs, on a du droit civil, du droit constitutionnel, de l'histoire du droit et de l'anglais juridique. Et les majeurs sont, en tout cas à Lyon 3, annualisés. Donc la note qu'on a, elle est à la fin de l'année, on la connaît, mais on la connaît pas forcément au cours des semestres, parce que tout simplement, on n'a pas beaucoup de notes qui comptent pour notre majeur pendant le semestre, et la note de la majeure, elle est vraiment à la fin de l'année. Et donc pour les mineurs, on a un bloc de mineurs qui est semestrialisé, donc on a trois matières avec... à chaque fois 24 heures, je crois, de cours par matière. Et donc, ces matières-là, elles sont un peu moins importantes. On a les notes à la fin du semestre parce que, justement, on n'a qu'un semestre de cours sur cette matière-là. Donc, au premier semestre à Lyon 3, les mineurs de la licence de droit, c'est institution administrative, institution juridictionnelle et introduction à la Sciences Po. Et au deuxième semestre, c'est institution européenne, relations internationales, je crois, et économie. Et vous n'avez pas de TD. Oui, c'est ça. Et donc les TD, c'est uniquement pour les matières qu'on a en majeur, et les matières qu'on a en mineur, elles n'ont pas de TD. Donc c'est une notation très différente du lycée, et un fonctionnement très différent du lycée aussi. En fac publique en tout cas, après en fac privée, c'est différent. Ok. Après, je pense aussi qu'il faut vraiment se renseigner sur la formation pour laquelle on postule, entre guillemets, parce que... il arrive à certaines personnes d'arriver en fait en septembre ou mi-septembre dans la formation et de se rendre compte que ça correspond pas du tout aux idées auxquelles on s'attendait en fait. Donc faut vraiment se renseigner sur les formations pour lesquelles tu postules quoi. En vrai, Parcoursup, c'est juste un outil genre pour qu'on puisse envoyer nos candidatures. Il ne faut pas le voir comme autre chose, parce que ça ne l'est pas forcément. Il y a sans doute une partie de tri, de hiérarchie des candidatures sur laquelle on n'est pas hyper renseigné. Mais c'est vraiment un travail qui est fait, en réalité, plutôt par les recruteurs dans chaque fac. Et du coup, le système fait que transmettre la candidature à la fac pour laquelle on postule. Donc, il ne faut pas le voir non plus comme un monstre. Très bien. Bah merci Lilou et Tom pour vos témoignages, pour vous être déplacés jusqu'ici. C'est très intéressant. J'espère que ça aidera certains étudiants qui sont actuellement sur Parcoursup. Bonne chance à tous si c'est votre cas. Merci. Et merci à vous de nous avoir invités. Merci d'avoir écouté À la barre, le podcast par Lyon Droit. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité de l'asso et des prochaines sorties podcast. Si vous avez des idées de sujets ou que vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram par Lyon Droit.